résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'hommes si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la paix. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Pas dans l'attente de votre reconnaissance. Le hip-hop hybride entame sa renaissance. La misogynie sans cesse omniprésente. Sur les réseaux, pas de limite, c'est exaspérant. Quand t'es agressif, fais le pélo. Quand t'es pas sexy, fais le pélo. Si tu fais des thunes, t'es une salope. Même avec un pull, t'es une salope. Traumatisés seront les ondes. L'heure du combat arrive, sonne le gong. La petite est validée par tous les ongles. J'suis pas là pour me faire apprécier des cons. Ouais, tu seras fait moins des dégâts. T'es pas pressé de qu'une sabbat sur toi. Les aigles et les pigeons ne se mélangent pas. J'ai tout ce que tu n'as pas d'autre. J'suis cette sale chienne. Celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas quémandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. J'aurais beau rappeler la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'hommes si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la terre. Sur le trajet des critiques, sur les épaules, ôtez la tête. Fous le seum, celle qui débarque au milieu de milliers de cums. Tu n'apprécies pas, tu commandes tes chums. Derrière ton écran, des pousselets, t'es seul. Ouais, je vais niquer tous vos tabous. Hostie et puis c'est qu'une sauce andalouse. Venu, c'est revenu à l'ordre du jour. T'as rage, on a tout, tu lances du lourd. Je suis celle que tu n'attendais pas. Celle qui ne t'inspire pas, je suis celle que t'insulte, je te fais la bise, man. Je n'éduquerai pas un âne avec un freestyle. Ouais. Même si je rappe et danse et chante et parle anglais, pas certain, je ne serai jamais qu'une chienne. Je devrais rester à la maison pour tâches ménagères enchaînées à des chaînes. Chienne. Celle qui n'a rien demandé. Celle qui n'a pas quémandé. Celle qui vient te démanger. Celle qui t'a bien dérangé. Sale chienne. Sale chienne, sale chienne, sale chienne. J'aurais beau rappeler la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers d'hommes si les femmes ne seraient bonnes qu'à la vaisselle. Le passé difficile, ferme ta gueule si tu ne viens pas de la tête. Sur le trajet des critiques,